chambre mue qui s'ennuie. Par la fenêtre, le ciel est gris, comme tous les buildings de la ville. Une étagère un peu bancale, quelques vieux bouquins qui s'étalent. Son doigt cherche la couverture de sa prochaine aventure. Tout au fond de ses livres, il voit toutes les couleurs qui manquent à son paysage. Et dans les récidives, le soleil est à chaque page. Un simple cadre au verre cassé, la photo un peu délavée d'une mère qui l'attend pleurer. Et dans sa boîte aux souvenirs, il ne retrouve que des soupirs, comme si tous les cœurs de la terre fuyaient son univers. Mais au fond de ses livres, il va tellement d'amour qu'il coule sur son visage. Et dans les récidives, le bonheur est à chaque page. Sa chambre au mur qui s'ennuie, même si dehors le ciel est gris, comme tous les buildings de la ville. Posant d'un geste machinal sur l'étagère un peu bancale, le roman qu'il vient de finir, sur son visage un sourire. Car au fond de ses livres, il va trouver l'espoir qu'ont les enfants de son âge. Et dans les récidives, la victoire est à chaque page. Tout au fond de ses livres, il va tellement de rêves, de fabuleux voyages. Et dans les récidives, l'aventure est à chaque page.